On va lire ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et s'il y en a qui veulent lire deux versets chaque, lisez lentement et bien fort pour que tout le monde comprenne. Titre 3, hein, verset 1. C'est très dur pour nous de croire que nous n'avons pas besoin de rien faire ou qu'aucune œuvre n'est nécessaire pour être aimé de Dieu. C'est le combat de la vie du croyant. Vivre ce qu'on appelle sous la grâce. De croire que Dieu nous accepte comme on est. Non qu'il veut qu'on reste comme on est, mais il nous accepte comme on est. C'est pas pour rien que la Bible, à plusieurs reprises, de plusieurs façons, nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. À plusieurs reprises. Et je crois que Dieu est obligé de nous le répéter tout au long de notre vie chrétienne. Et si on lit les Épîtres tranquillement, vous voyez les apôtres qui sont obligés de répéter à l'Église continuellement, ce n'est pas par les œuvres. Parce que la tendance de l'Église, c'est toujours de retourner aux œuvres pour obtenir quelque chose. Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Pourquoi notre tendance, c'est de toujours retourner faire des œuvres pour que Dieu nous accepte, pour que Dieu nous aime, ou pour que Dieu nous bénisse, ou pour que Dieu réponde à nos prières? Pourquoi est-ce qu'on est toujours porté à vouloir faire quelque chose? Faire un échange. Pourquoi est-ce qu'on veut faire des échanges avec Dieu? OK. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi qu'on a un manque de confiance? Là, vous me répétez un peu la même chose. J'aimerais savoir pourquoi. C'est quoi dans le fin fond de notre corps à nous qui nous pousse toujours à vouloir faire de quoi? Oui, oui, on ne le connaît pas totalement, mais je crois qu'on en sait assez pour savoir, pourtant qu'il nous dit que c'est gratis. Pourquoi la nature humaine est comme ça? On se pense capable? C'est parce que dans notre monde dans lequel on vit, il n'y a rien de gratis. Dans nos relations les uns avec les autres, il faut payer pour avoir de quoi. Vous n'êtes pas comme ça, là. Mais c'est comme ça chez nous. C'est comme ça dans ma vie. Il faut toujours faire de quoi pour obtenir de quoi. Et on croit que dans notre... C'est tellement dur pour nous de vaincre cette habitude-là, de cette croyance-là intérieure, que Dieu peut nous aimer gratos, comme disent les jeunes. Vous avez vu ça, les jeunes, gratos, là? Non, c'est les jeunes comme moi, excusez. C'est ma génération. C'est gratos avec Dieu. Il n'y a rien qu'on paye avec Dieu. On dit tout le temps, c'est un amour inconditionnel. Mais dans notre monde, l'amour, elle est conditionnelle. Donc, c'est très dur pour nous de comprendre que Dieu va tout nous faire, va tout nous donner, va prendre soin de nous, et que ça ne coûte rien, et que c'est gratis pour nous. Qu'il n'y a pas d'œuvre à faire. Regardez au verset 3, une chose que c'est gratis parce qu'il dit, il décrit l'être humain au verset 3, car nous aussi, c'est qui le nous ici là? Hein? Paul et Tite et les chrétiens, les chrétiens de tous les temps, nous aussi, nous, Québécois, 2004, Mont-Tremblant, c'est nous. Nous étions autrefois. Autrefois, c'est avec c'est quand ça? Avant d'être sauvés, avant qu'on connaisse Jésus-Christ, nous étions des insensés. On ne parle pas ici de notre capacité intellectuelle, on parle quoi? De notre capacité spirituelle. Dans la Bible, un insensé, c'est quelqu'un qui rejette Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui ne met pas sa confiance en Dieu. C'est un insensé. La Bible dit que l'insensé dit « Dieu n'existe pas ». L'insensé, dans tous les proverbes, c'est quelqu'un qui repousse Dieu, qui rejette la loi de Dieu, qui rejette tout ce que Dieu a enseigné pour se retourner vers lui-même, pour faire ce que lui veut faire. Nous étions un insensé, nous étions désobéissants, égarés, asservis aux convoitises, aux voluptés, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns des autres. Qu'est-ce qu'on peut espérer de telles personnes? Absolument rien. Ici, ce n'est pas le psychologue du coin de la rue qui nous décrit. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Voici ce que Dieu dit de nous. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est point par les œuvres. S'il avait donné les œuvres, pensez-vous que les personnages du verset 3 sont-ils capables là, de faire des œuvres bonnes pour Dieu? Pas avec la description que là, en tout cas. C'est la perception de Dieu de l'être humain. Mais, verset 4, « Mais Dieu, dans sa bonté. » Qu'est-ce que le mot « bonté » veut dire? Souvenez-vous, je le dis des fois, je vais vous le répéter jusqu'à temps que vous me donnez la réponse de façon instantanée. La bonté, ça veut dire, on peut-tu être bon envers quelqu'un qui nous aime? Voilà, la bonté, c'est toujours quelque chose que tu fais à quelqu'un qui ne le mérite pas. Tu fais du bien aux gens du verset 3. Dieu se tourne vers les gens du verset 3, les égarés, les pervers, les insensés, les fous, la tout cas, comme vous voulez. Puis Dieu décide de leur faire du bien. On appelle ça quelqu'un de bon. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ça vaut zéro. Mais si vous faites du bien à vos ennemis, on va vous appeler des personnes bonnes, parce que vous faites du bien à ceux qui ne le méritent pas. Donc, Dieu dans sa bonté, au verset 4, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, au verset 5, Dieu dans sa grâce, au verset 7, Dieu se tourne vers l'être humain et décide de lui faire du bien malgré tout ce qu'il peut faire. Pour moi, c'est à un moment donné, j'ai fini par comprendre, par la grâce de Dieu, je crois. Il y a juste Dieu, François, qui peut t'aimer. Il y a juste Dieu qui peut aimer quelqu'un dans le verset 3. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui marche au verset 3? Qu'est-ce qu'on avait les uns envers les autres? De la haine. Il dit, vous vous haïssiez les uns les autres. On ne peut pas s'aimer. On ne peut pas aimer un gars du verset 3. Il y a une femme du verset 3. On ne peut pas. On n'est pas capable. Tout ce qui ressort de du cœur humain vers l'autre être humain, c'est de la haine. C'est pour ça qu'on voit les tueries, les viols, les vols. En tout cas, nommez-la tout ce que vous entendez aux nouvelles à tous les jours. Pourquoi? Parce que l'être humain a de la haine envers l'être humain. On ne peut pas faire autrement. On n'est pas capable. Il n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que j'ai bien de la misère avec les gens qui disent « Je t'aime bien gros. » Quand la Bible dit « Tu n'es pas capable. » Tu n'es pas capable. Pour qu'on soit capable, parce qu'il parle autrefois, hein, pour qu'on soit devenu capable, il dit un peu plus bas qu'il nous a régénérés par le Saint-Esprit. Il nous a renouvelés ou régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire « régénérer quelque chose » Redonner quelque chose que tu as perdu. Quelque chose que l'homme a perdu. L'homme a été créé bon. À cause du péché, il est devenu mauvais, comme on a vu tout à l'heure. Méchant. Dieu, pour qu'on soit capable d'aimer à nouveau, il dit quoi? Je vais te régénérer. La Bible appelle ça, avez-vous d'autres synonymes dans la Bible? De régénération ou nouvelle naissance, c'est la même chose. Dieu nous fait naître de nouveau. Il nous donne une nouvelle vie. Pour qu'on soit capable, premièrement, d'aimer Dieu. Parce que ici, on ne l'aimait pas. Hein? Les gars du verset 3 et les filles du verset 3 n'aimaient pas Dieu plus. Parce qu'ils étaient insensés. Dieu dit, je vais faire un miracle, je vais te régénérer, je vais te donner une nouvelle vie, je vais te faire recommencer à neuf, comme si rien n'était, comme si rien s'était passé. Je vais te transformer dans ton être intérieur par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vas le faire, tu n'es pas capable, tu ne le veux même pas. C'est moi qui vais le faire. Je vais te régénérer et tu vas être capable, premièrement, de m'aimer. La Bible dit quoi? Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés inconditionnellement, sans rien nous demander. Tu es venu vers nous et tu nous as aimés et tu nous as régénérés. Et nous t'aimons à cause de cela. À cause de cela, nous t'aimons. Tout cela a été rendu possible à cause de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin par le repas du Seigneur. Cette bonté, cette miséricorde, cette grâce de Dieu, ce pardon de Dieu, ce renouvellement qu'il a fait en nous, cette nouvelle naissance qu'il nous a donnée, gratos. Pour nous autres, c'est gratis, mais il y a quelqu'un qui a payé. Pour que Dieu puisse nous faire du bien, pour que Dieu puisse nous régénérer, pour que Dieu puisse exercer envers nous sa miséricorde et nous pardonner, il faut que quelqu'un fasse un geste. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons nous rappeler, Seigneur, tu n'as demandé aucune œuvre, tu ne nous as rien demandé pour nous aimer, nous faire du bien, nous renouveler dans notre vie, nous faire passer de la mort à la vie. Tu ne nous as rien demandé. Ce n'est pas par les œuvres. Aucune œuvre de votre vie chrétienne ne va rien changer. Vos œuvres que vous faites en tant que chrétien n'ont pas le pouvoir de vous changer. Le changement a déjà eu lieu le jour de votre nouvelle naissance. Pouvez-vous améliorer ce que Dieu a fait? Ma réponse à moi, c'est non. Ce n'est pas pour la vôtre, mais la mienne, c'est non. Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de faire des miracles. Et la nouvelle naissance, c'est un miracle. Donc, je ne peux pas, moi, faire quelque chose avec ça. Tout ce que je peux faire, c'est de l'accepter et de rendre gloire à Dieu pour ça. Et ce matin, en prenant le pain, en le brisant et en se le partageant les uns avec les autres, on dit à Dieu, merci que ce n'est pas par les œuvres, parce que j'en étais incapable. Merci que tu es venu m'aimer pendant que moi je te haïssais. La Bible nous appelait qu'on était ses ennemis, on était ses ennemis avant. Mais il est venu quand même. Merci qu'à cause de Jésus-Christ, tu m'as changé dans l'être intérieur. Tu as changé mon âme, mon esprit, mon cœur. Tu m'as donné la vie. Quand dans la vie chrétienne, on se sent découragé ou abattu spirituellement, c'est toujours parce qu'on regarde à nos œuvres. Toujours. Quand on regarde au sacrifice de Jésus-Christ, on est toujours dans la joie par rapport à ce qu'il a fait pour nous, afin qu'on puisse être sauvé et lavé de nos péchés. Donc ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre le pain pour se rappeler ce grand sacrifice de Jésus-Christ. Bénissons. Si j'avais été à ta place, j'aurais certainement tourné le dos à la race humaine. Mais on est béni que tu ne sois pas comme nous. On est béni que tu n'agisses pas comme les hommes de ce siècle. Nous te bénissons, Seigneur, d'être qui tu es, un Dieu de bonté, de grâce, de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu assez puissant pour changer la mort en vie, parce que c'est ce que tu as fait pour nous. Et tu nous as prouvé que tu étais capable, en ressuscitant Lazare, en ressuscitant ton propre fils, tu nous as aussi ressuscité d'entre les morts. Merci qu'on n'est plus des insensés, mais qu'on est aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont une intelligence assez forte, je pourrais dire, spirituellement parlant, à cause de toi, pour croire au moins que tu existes et que tu nous as fait du bien en Jésus. Puisses-tu être béni éternellement par ton peuple, par tous les anges dans le ciel. Sois béni, Seigneur. Amen. Vous avez envoyé vos coupes vers Benoît. On va se lever et on va chanter un autre cantique qui dit « Digne est l'agneau ». Quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui mérite. Quelqu'un qui, on ne lui fait pas un cadeau, mais on lui donne ce qu'il mérite. On lui donne ce qu'il a gagné. Et il a gagné à la croix cette adoration, cette louange qu'on veut lui donner. Thank you. va maintenant passer à notre temps d'offrande. Demandez à Donald, est-ce que tu aimerais prier pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est là? On va se lever et on va chanter le dernier cantique avant l'étude de la parole. Le cantique qui dit « Je me confie en toi ». Ensemble que Dieu bénisse ce temps d'étude. Notre bon Père du ciel, on vient chanter qu'on se confie en toi. Et une des façons qu'on le démontre, c'est par les Écritures que nous voulons étudier, méditer, apprendre, comprendre. Parce que nous savons que tu es le seul sage, le seul qui connaît tout, qui sait tout. Nous savons que tu es le seul qui a créé toutes choses, qui guide toutes choses, qui conduit toutes choses. Et nous voulons ce matin que tu nous instruises, que tu nous fasses voir ce qu'il y a encore en nous qui est mensonge, des choses que nous croyons qui ne sont pas vraies. Et nous avons besoin de ta vérité pour nous montrer. Guide Joanne avec les enfants, guide-moi avec les adultes, et qu'on puisse avoir un bon temps en regardant ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pour les autres, vous pouvez prendre votre Bible dans l'Apocalypse. Et on est au chapitre 3. Vous allez peut-être dire, François, à vitesse que tu vas, ça va nous prendre longtemps à finir. Mais on n'est pas pressé. Hein? S'il revient avec qu'on ait fini, on ne se pose plus de questions. On va pouvoir nous enseigner lui-même. Mais à partir du chapitre 4, ça va aller un petit peu plus vite, vous allez voir. Non, parce qu'on prend un dimanche pour chaque église, mais après ça, ça va aller un petit peu plus vite. On va prendre des plus grandes portions du livre pour avancer. Quel est le contexte de l'Apocalypse? Quel est le contexte de ceux qui reçoivent l'Apocalypse? Qu'est-ce que les chrétiens qui ont reçu le livre vivaient? Ils vivaient la persécution. Ils étaient persécutés. Dans les années 95-100 après Jésus, c'était vraiment, on peut penser, là, selon l'histoire de l'Église, un des moments les plus forts de persécution contre l'Église. Il semblerait que c'était Néron, l'empereur, si je me souviens bien, et on persécutait à outrance les chrétiens. C'est dans ce temps-là qu'on les mettait dans les arènes, on les faisait manger par les lions, on les donnait en spectacle. C'est à ce moment-là que l'empereur romain a décidé, a dit que c'était eux autres qui étaient responsables d'avoir mis le feu à Rome. Et à cause que c'était eux autres les chrétiens, en tout cas selon le dire de l'empereur, et c'était pas vrai, on le savait, mais ils ont été persécutés encore plus. Et la persécution très forte sur l'Église a poussé l'Église dans des moments de sa vie, spirituellement parlant, pas faciles. Je dis souvent, chacun de nous, on a notre limite de souffrance. Rendu à certains points, on peut décrocher. Et l'Église qui reçoit l'Évangile, ou l'Apocalypse, c'est une Église qui passe des moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'Église jusqu'à date? On a vu 4 Églises jusqu'à date. Qu'est-ce qu'elle dit? Persévère. Mais Jésus fait certains reproches à l'Église. Quels sont les reproches que Jésus a faits? Dans la première, l'Épître aux Éphésiens, pas l'Épître aux Éphésiens, mais l'Église, la lettre aux Éphésiens, Jésus a dit, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que tu m'as abandonné moi. Jésus dit, tu m'as abandonné. Ensuite, il fait reproche d'avoir peur de souffrir. Il dit, n'aie pas peur de souffrir pour moi. Même si la mort vient. Si tu acceptes de mourir pour moi, dit-il, tu n'auras pas à subir la seconde mort. Mais si tu veux sauver ta vie et ne pas mourir à cause de moi, tu vas subir la seconde mort. Ensuite, il fait le reproche qu'il y a dans l'Église des Balaams, des Nicolaïtes, et qui enseignent des fausses doctrines et que l'Église les laisse faire. Et ensuite, la semaine passée, on a vu que Jésus a dit à l'Église de Sardes, tu passes pour être vivante, mais moi je te dis que tu es morte. Ça, c'était le plus dur, je pense. Tu es morte. Hein? Donc, l'Église passe par des temps très difficiles à cause des persécutions et elle se pose des questions. Non pas que Jésus l'avait trompé, Jésus n'avait pas dit de mensonge à l'Église, mais l'Église avait peut-être compris comme il faut ce que Jésus voulait dire. Et l'Église comprenait que Jésus était pour revenir bientôt, vite, avant qu'il meure, et que Jésus lui donnerait une belle vie tranquille dans le paradis. Jésus enlèverait les ennemis de l'Église, enlèverait les ennemis, et que l'Église pourrait vivre dans la présence de Jésus, avec Jésus. Mais ça n'arrivait pas. Et le contraire, plus ça allait, plus il souffrait, plus il mourait. Et il se posait des questions. Est-ce qu'on a compris comme il faut? Est-ce que Jésus nous a dit la vérité? Est-ce que c'est qui arrive, là? Qu'est-ce qui se passe avec cela? Oh, vous savez, entre moi et vous, on se pose des questions dans notre vie chrétienne pour bien moins que ça, nous autres. Hein? On se pose des questions, des fois, j'ai des chrétiens qui viennent me voir, des fois, ils me posent des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Puis pourquoi ça m'arrive? Puis pourquoi ça arrive? Puis pourquoi ça arrive? On se pose un paquet de questions pour notre vie. Imaginez-vous si vous aviez été dans ce temps-là, où ce que tout le monde autour de vous tombe mort, sont chrétiens, on vous persécute, vous vous cachez dans le fond des catacombes pour essayer de vous réunir, pour prier un petit peu, vous encourager. Et vous savez que si vous dites à quelqu'un, je suis un chrétien, vous mourrez. C'est à peu près sûr que vous allez mourir. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait ce matin? Si on était dans ce temps-là, on l'aurait-tu dit à notre conjoint, à nos enfants? Je m'en vais à l'église baptiste ce matin. Pas sûr qu'on l'aurait dit. Hein? Pas sûr qu'on l'aurait dit. On serait peut-être parti à la cachette. Ou on m'en va magasiner. Et s'en aller à l'église tranquillement. On a une limite de souffrance. La souffrance, on peut l'accepter seulement si on comprend la vérité comme il faut. Et c'est ça que Jésus veut faire dire à l'Église. Jésus a écrit l'Apocalypse pour emmener l'Église à accepter de mourir s'il fallait pour lui. On pourrait dire en québécois, Jésus est en train de leur dire, « Tough, lâche pas. Lâche pas. » La parabole du semeur dit ceci. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Vous savez, dans la parabole du semeur, il y a quatre genres de personnes qui reçoivent l'Évangile, ou qui reçoivent la bonne nouvelle, qui reçoivent les Écritures. Mais il n'y en a rien qu'une que Jésus dit qu'elle est correcte. Les trois autres personnes, c'est des faux. C'est des gens qui ne fonctionnent pas, qui vont mourir et qui ne sont pas dans la foi. Ceux qui sont dans la foi, il dit le dernier, il dit, c'est celui qui retient ce que je lui ai donné. Peu importe ce qui arrive, avec persévérance, il tient ce que je lui ai donné. Et à plusieurs reprises, la Bible nous dit cela. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué cela. Qui veut lire Hébreux 3, verset 6? Les Hébreux étaient en train de... Les Hébreux chrétiens, on parle ici. Étaient en train de lâcher. Ils étaient en train d'abandonner la foi. Ils voulaient retourner aux œuvres pour être sauvés. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils veulent retourner au sacrifice dans le temple pour être sauvés. Mais l'apôtre qui a écrit, ou l'homme qui a écrit l'Épître aux Hébreux, dit « Retenez jusqu'à la fin ». Hébreux 3, 14, hein? Quelqu'un d'autre veut lire? Donc, au commencement, il y avait une assurance dans la personne de Jésus-Christ pour leur salut. Mais il dit, nous sommes devenus participants, et une des façons de le voir, c'est que nous retenons jusqu'à la fin ce que nous avons reçu. Et si tu ne retiens pas jusqu'à la fin ce que tu as reçu, tu n'es pas devenu participant à ce que Jésus-Christ a fait. Hébreux 10, 23, quelqu'un d'autre? Donc, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Et à plusieurs reprises, l'apôtre ici, moi je pense que c'est l'apôtre Paul qui écrit l'Épître aux Hébreux, je vais vous dire que c'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas tout le monde qui est convaincu. Si vous avez une autre idée, ce n'est pas grave. Vous pouvez garder votre idée là-dessus, ce n'est pas grave. L'apôtre Paul, il dit, retiens bien jusqu'à la fin ce que tu as reçu. Jean qui dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça, on lit ça dans l'Épître de Jacques. L'Épître aux Hébreux dit ceci, « La foi sans la persévérance, elle est morte. » C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. À 6 reprises de l'Épître aux Hébreux, si tu ne retiens pas, si tu abandonnes, si tu lâches avant la fin, tu ne participeras pas à ce que Jésus a fait. Il dit autrement, il dit, « Si tu foules aux pieds Jésus-Christ, plus de sacrifice pour toi. Tout ce qui t'attend, c'est le châtiment de Dieu. faut que tu retiennes, il dit, jusqu'à la fin, la profession de foi que tu as faite. Si tu la lâches, attention là, je ne suis pas en train de dire d'arrêter d'aller à l'église le dimanche matin, je ne suis pas en train de dire que vous lisez moins votre Bible, je ne suis pas en train de dire que vous témoignez moins, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de rejeter la foi, rejeter la personne de Christ. Une femme qui vient me voir un jour, c'était après un baptême, à l'église de Val-d'Or, elle vient me voir et elle prend l'épître aux Hébreux. Elle rouvre l'épître aux Hébreux dans chapitre 6 et chapitre 10. Elle dit, François, moi je suis perdu, je ne peux plus être sauvé. Voilà, elle a mis les deux passages dans l'épître Hébreux 6 et Hébreux 10. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Ça fait 10 ans qu'elle allait à l'église. Entre-temps, elle avait divorcé. Entre-temps, elle avait couché avec d'autres hommes pendant ce temps-là. Elle n'allait pas à l'église nulle part. Elle dit, toi-tu, je ne suis plus capable, je ne peux plus être sauvé, parce que je ne peux pas me repentir une deuxième fois. J'ai rejeté, je ne suis plus chrétienne, je ne fonctionne plus, je n'ai plus été à l'église depuis tout ce temps-là. Ah, j'ai dit, mais je ne comprends pas comme toi. J'ai dit, est-ce que pendant ces 10 ans-là, tu as déclaré ouvertement, clairement, à qui voulait bien l'entendre, et surtout à toi et à Jésus lui-même, est-ce que tu lui as dit, je ne crois plus en toi, tu n'es pas mon sauveur, je ne crois pas en toi, je te rejette, je vais retourner aux œuvres, je vais rien savoir de toi. Ben, elle dit, ben non, je n'ai jamais fait ça. Donc, je dis, tu n'es pas dans Hébreux 6, tu te trouves dans 1 Corinthiens 5. Hein? 1 Corinthiens 5, c'est ton cas, pas Hébreux 6. Elle dit, ah ouais. La face, il a changé. Elle dit, ouais. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 5? J'ai dit, il y a de l'espoir pour toi, dans 1 Corinthiens 5. Il dit, toi, tu es un chrétien qui vit dans le péché. Dans Hébreux 6, tu n'es pas un chrétien. La grande différence, c'était ça. Elle s'est repentie de sa vie. Elle est revenue à l'Église. Elle a continué à fonctionner dans l'Église pendant des années. Après ça, je ne sais plus ce qu'elle a dit aujourd'hui, déménager. Mais... Je lui dis, fais attention, tu n'as pas rejeté la foi. Tu vis dans le péché. C'est bien différent. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans cette église qu'on appelle l'église de Philadelphie. Chapitre 3 d'Apocalypse. Verset 7. Et on va lire jusqu'au verset 13. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient lire? Vous pouvez lire 2 versets, bien fort. Oups. Excusez. C'est ça, là, je suis rendu à la bonne place. Non, je pense que c'est pas tant. Je pense que je n'ai pas fait le bon geste. Là. C'est juste le verset 13 à lire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Philadelphie, c'est la seule église à qui Jésus ne fait pas de reproche. C'est la seule église. Tous les autres, Jésus leur a dit des choses épouvantables. Des choses qui disent, si tu ne repens pas, tu es perdu. Oh, il le dit de toutes sortes de façons. Si tu ne te repens pas, je vais enlever ton nom du livre de vie. Si tu ne te repens pas, tu n'auras pas le droit à l'arbre de vie. Si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier. Si tu ne te repens pas, tu vas subir la seconde mort. Il le dit de différentes façons. Mais il appelait toujours l'Église à se repentir. Et ici, il ne le dit pas. C'est une Église qui... on peut voir, semble fonctionner comme Jésus le veut. Ce matin, Jésus nous dit à chacun de nous, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as dans ta vie. Retiens la profession de foi que tu as faite. Garde la profession de foi que tu as faite. Reste attaché à ta foi. Peu importe ce qui arrive. Combien d'entre nous vont mourir pour leur foi? Est-ce que vous en connaissez des personnes de votre vivant, en tant que chrétien, qui sont morts à cause de leur foi? Est-ce que quelqu'un en connaît? Quelqu'un vous avez connu qui était chrétien, qui s'est fait tuer à cause qu'il était chrétien? On n'en connaît pas ici au Québec. Je n'en connais pas. Ça fait 30 ans presque que je suis chrétien, je n'en connais pas. Mais j'ai rencontré des gens qui étaient missionnaires ailleurs, dans d'autres pays, qui m'ont dit, eux autres, qui en ont vu amplement. J'ai rencontré un pasteur russe il y a plusieurs années, qui vivait en Russie, qui avait beaucoup de chrétiens qui étaient morts dans les prisons en Russie. J'ai rencontré un missionnaire de l'Afrique. On dit que dans le monde aujourd'hui, environ 350 à 500 000 chrétiens meurent par année pour leur foi. Donc, nous, on ne meurt pas pour notre foi. Pour blâmer, du moins. Et j'espère que ça ne viendra jamais, que Dieu va nous demander de mourir pour notre foi. Mais qu'est-ce qui peut bien nous emmener, nous autres, des fois, à vouloir abandonner la foi? Qu'est-ce qui peut emmener un chrétien à décider, ou une personne à dire, « Non, moi, je rejette tout ça, ce que j'ai entendu, je ne veux rien savoir. » Je m'en retourne à la vie que je faisais avant. Ou je m'en retourne à pratiquer une autre religion comme les Hébreux. Parce que des fois, les gens ne retournent pas toujours vivre avec la putain du coin, là. Des fois, ils retournent dans une autre église. Retourner à une autre façon d'être sauvé. Qu'est-ce qui peut bien les emmener à faire cela? Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Moi, j'en ai vu des gens faire profession de foi, fonctionner dans les églises pendant des années, et nous qui ont abandonné à cause de l'argent. Par désir de vouloir faire de l'argent en plus, et qu'en tant que chrétien, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être malhonnêtes, ils ont décidé qu'ils continuaient d'être malhonnêtes quand même pour faire plus d'argent. Ils ont abandonné la foi en Jésus-Christ. J'en ai vu qu'ils ont abandonné pour avoir un conjoint ou une conjointe. J'ai vu une femme un jour qui a décidé de partir avec une personne non chrétienne. Et quelques années plus tard, elle dit à François, je vais essayer de gagner au Seigneur. Quelques années après, c'est lui qui l'avait gagné au paganisme, à l'athéisme, à l'abandonner la foi. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut abandonner. Et on a chacun les nôtres qui pourraient nous tenter le plus, qui pourraient nous pousser le plus dans une direction. Mais je crois que si Jésus nous parle à nous ce matin, par la lettre aux Philippiens, à Philadelphie, c'est parce qu'il croit qu'il peut arriver dans notre vie des décisions qu'il va falloir qu'on tienne bon. Il va falloir qu'on tienne bon. Peu importe dans quelle tentation qu'on pourrait tomber ou dans quelle épreuve qu'on pourrait venir, il dit, garde la foi. Peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Un jeune homme un jour est venu à moi, après avoir fait profession de foi, après avoir été baptisé, fonctionné dans la vie chrétienne, étudié la Bible pendant une année. Il est venu à moi et dit, je ne crée plus à ça. Je ne crée plus à ça. Il a abandonné, il a rejeté tout ça. Je ne crois plus. Des années après, je lui ai demandé pourquoi. Il dit tout simplement parce que je veux faire la vie que je veux. Je veux faire ce que je veux dans la vie. Je ne veux pas que quelqu'un me dise pas faire, pas faire, puis tout ce que ça. Je veux faire ce que je veux. Nous n'avons pas besoin du voisin, hein? Pas besoin du voisin pour abandonner la foi. Entre nos deux oreilles, on en a assez, c'est là. Pour prendre des décisions par nous-mêmes, pour des raisons par nous-mêmes, très personnelles, pour dire, je ne veux rien savoir, j'abandonne parce que je veux faire ce que je veux faire dans ma vie, comme je veux le faire, quand je veux faire ma vie. J'ai dû dire, retiens bien ce que tu as. Retiens bien ce que tu as. Ici, il ne parle pas de retenir notre argent, notre portefeuille, il parle de retenir ce qu'on a en tant que foi en Jésus. Première raison qu'il nous donne, il dit au verset 7, parce que Jésus a les clés de David. Il dit, c'est moi qui ai les clés de David. Quand vous pensez à clé, vous pensez à quoi? À quoi ça sert une clé? Oui, ça sert à ouvrir la porte pour pouvoir entrer. Mais ça pourrait vous servir à d'autres choses aussi. À fermer la porte pour ne pas que personne rentre. Non, mais ici, il dit, j'ai les clés. J'ai les clés. Il s'était présenté même dans le chapitre 1, hein? À Jean, dans sa vision, Jean dit qu'il avait les clés dans sa main. Je tiens les clés de la vie et de la mort. Jésus a les clés de l'abîme. Il y a les clés. Il y a un clé qui a les clés dans l'Apocalypse. Il n'y a personne d'autre. Mais vous direz un secret, c'est pas Pierre qui a les clés du paradis. Il y en a qui pensent que c'est Pierre, mais je vais vous dire un secret ce matin, c'est pas lui. C'est Jésus qui a les clés. Ici, on fait référence à les clés de David, parce que dans l'Ancien Testament, dans les livres de Samuel, à un moment donné, David a des clés, puis il les donne à quelqu'un. C'est David qui avait les clés du royaume, les clés du palais royal, c'est lui qui était le roi. Puis il donne les clés à quelqu'un pour qu'il fasse une mission pour lui. Et Jésus est présenté comme étant le fils de David. Il dit, c'est moi qui ai les clés. C'est moi qui ai les clés de la nouvelle ville. C'est moi qui ai les clés de la nouvelle Jérusalem. Pas de l'ancienne comme David, mais de la nouvelle. C'est moi qui ai les clés. C'est moi qui possède, c'est moi qui ai le saint, c'est moi qui ai le véritable, Dieu. C'est moi qui ai les clés. Laissez-vous pas dire par quelqu'un d'autre que quelqu'un a les clés. Il dit, c'est moi qui ai les clés. J'étais assis au restaurant cette semaine, puis j'écoutais deux personnes aux côtés de moi. Je ne devrais pas écouter ce que les gens disent, hein? C'est pas gentil. En tout cas, si vous pas aux côtés de moi dans un restaurant, j'ai l'habitude d'écouter ce qui se passe dans les autres tables. Tu ne veux pas des fois, mais ça ne peut pas faire autrement. Et j'ai maintenu l'intérêt parce qu'ils ont commencé à parler de choses spirituelles. Et ils parlaient de d'autres clés. Ils appelaient ça comme ça, c'est ce que ça voulait dire. Ils parlaient de d'autres clés. Qu'elle assistait à des cours pour avoir des clés ou des manières d'aller dans l'autre monde, pour aller plus loin avec Dieu. Il y avait d'autres clés. J'ai envie de me lever et de dire, hey, avez-vous déjà lu Apocalypse chapitre 3, verset 7? Parce que Jésus a dit, c'est moi qui ai les clés de la vie et de la mort. C'est moi qui ai les clés. Il n'y a pas d'autre personne que les clés. Dans l'Apocalypse, on voit les clés de la mort et du séjour des morts. On voit ici la clé de David. Dans Apocalypse 9, verset 1, c'est la clé du puits de l'abîme, où il y a quelqu'un qui rouvre l'abîme qui sort des démons, des sauterelles. Dans Apocalypse 20, verset 1, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main, il s'en vient pour enchaîner Satan et l'acheter de l'abîme. » Et ces clés-là lui ont été données aux anges par Dieu, pour que lui, ils peuvent prendre ces gens-là et les mettre dans l'abîme. Les clés, ici, dans ce passage-là de l'Apocalypse 3, c'est Jésus qui les a. Et pourquoi il va parler de clés? Parce que, un peu plus loin, deux, trois versets plus bas, il va parler d'une porte. Il va parler d'une porte. Donc, clé, porte, ça va ensemble. Si j'ai des clés et qu'il n'y a pas de porte, à quoi ça sert? Ça ne sert absolument rien. Et des fois, à travers les années, tu as des trousseaux de clés, d'un coup, tu te ramasses qu'il y a une clé, puis tu ne sais plus jusqu'à bas. Ça va déjà arriver que ça. Tu as une clé, tu n'as pas de clé, mais tu l'essayes partout dans les portes que tu connais, puis elle n'ouvre rien. Qu'est-ce que vous faites à ce temps-là, vous autres? Dans la poubelle. Ça ne sert à rien, elle n'ouvre pas aucune porte. Ça arrive, ça. Surtout quand on déménage, on traîne des clés, puis ça nous prend du temps à convaincre. Une fois, je me suis rendu compte que j'avais une clé de l'église de Val-d'Or après mon trousseau. Ça faisait bien longtemps que j'étais parti de Val-d'Or. Je ne savais plus à quoi que ça servait, je n'osais pas l'acheter. À un moment donné, j'ai pris toutes les portes de la maison que je connaissais, j'ai tout assez doué. Bon, elle était bonne. Elle ne sert plus à rien. Jésus, je tiens les clés. Il dit, tu dois retenir ce que tu as, parce que c'est moi qui ai les clés. Donc, si tu veux rentrer à quelque part, c'est moi qui ai les clés. C'est important, hein? Si tu veux rentrer à quelque part, peu importe c'est où qu'on parle pour le moment, si tu veux rentrer, c'est moi qui ai les clés. Et si tu abandonnes, tu m'abandonnes moi. Ça veut dire que tu n'as plus de clés. Si vous avez déjà vu le film La Matrice, hein, l'homme aux clés dans le film, il fallait que l'élu trouve le monsieur qui avait les clés pour pouvoir ouvrir une porte qui les emmenait pour trouver la libération. Non, un homme aux clés. Ici, Jésus dit, si tu m'abandonnes, plus de clé pour toi, parce que c'est moi qui les ai. Deuxième raison pourquoi il dit qu'on doit retenir, Jésus parle de deux bénédictions ici dans le passage, versets 8 à 10. Il parle de deux bénédictions. Il dit au verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pourquoi personne ne peut la fermer, la porte? C'est Jésus qui a les clés. Ils ne peuvent pas l'ouvrir, puis ils ne peuvent pas la fermer. Mais avant qu'on voit c'est quoi la porte, on va regarder ensemble pourquoi il dit ça. Au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Non, ça, c'est les trois raisons. Il dit, « J'ai ouvert devant toi une porte hein, à cause de trois raisons. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je dis, tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu ne m'as pas renié. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça, en tant que chrétien? Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu ne m'as pas renié. Donc, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Si vous lisez les commentaires bibliques des différents théologiens, il y a autant de différentes pensées que de théologiens qui écrivent. Chacun a sa petite idée là-dessus. Tu as peu de puissance. On dit, ah, c'est une église faible. Mais si c'est une église faible, je pense que Jésus lui fera un reproche. Je pense que Jésus dirait de se repentir, mais il ne dit pas de se repentir. Donc, je ne crois pas que voici une église qui est paresseuse, ou une église qui est dans le péché, ou une église qui n'a pas de puissance parce que en tout cas, pour différentes raisons, là, elle n'a pas de puissance, elle ne s'est pas remplie du Saint-Esprit, ou peu importe comment on dirait. Il dirait, repends-toi de ça, mais il ne dit pas ça. Donc ici, le peu de puissance, à ma compréhension, ne veut pas dire que c'est un péché, ou que c'est mal. Mais il dit, tu as peu de puissance. Juste un état de fait, tu as peu de puissance. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont gardé sa parole? C'est-tu parce que, vous savez pourquoi ils n'ont pas régné le Seigneur? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de puissance en eux. Ils savent qu'ils n'ont aucun autre moyen. Ils disent, tu n'as pas de puissance en toi, et tu le sais, ça. Et à cause que tu n'es pas capable, tu as gardé ma parole. Tu as resté attaché à moi et tu ne m'as pas renié. Les gens qui renient le Seigneur et qui vont vers d'autres choses, les autres, ils pensent qu'ils sont capables. Ils pensent qu'ils sont capables. Ils pensent qu'ils peuvent se sauver par leurs propres œuvres. Ils pensent qu'ils sont capables de se sauver par leur propre religion. Ils pensent qu'ils sont capables, donc ils pensent qu'ils sont assez puissants. Hein? Donc, ils rejettent Jésus-Christ, ils rejettent la parole de Dieu, et ils décident qu'ils vont se sauver eux-mêmes. Vous avez déjà fait dire ça par quelqu'un? Oh, tu es capable, tu as beaucoup de puissance en toi. Puise dans ton intérieur toute l'énergie que tu as besoin pour aller vers Dieu. Ils sont en train de dire quoi? Tu es capable, tu es puissant! Tu es puissant, tu es capable, tu ne le sais pas peut-être, mais tu l'es. Découvre-le, je me suis dit ça une fois, découvre le Dieu qui est en toi. Hey, my friend, si Dieu me ressemble, ça ne vaut pas grand-chose. Si Dieu est comme moi, qu'est-ce que ça vaut? Rien. J'espère que je ne suis pas Dieu, parce que si moi je suis un Dieu, ou je ressemble à Dieu, ou je suis comme Dieu, ça ne vaut pas cher. Hein? Mais Jésus dit, à cause que tu as reconnu que tu n'as pas de puissance en toi, et que tu as gardé ce que je t'ai dit, et que tu ne m'as pas renié, j'ai ouvert une porte devant toi. Souvent ici, il y a des gens qui vont dire, fais attention de ne pas renier le Seigneur en tant que chrétien. Là, ils vont sortir l'exemple de l'apôtre Pierre. Ah, tu vois-tu, Pierre l'a renié. Pierre l'a renié, donc le chrétien peut le renier. Quelle est la différence entre Pierre, qui a renié Jésus trois fois, et un chrétien qui... Je recule, là. Oubliez ce que je viens de dire. On recommence. Pierre a renié Jésus dans quelle occasion? Dans quel moment de sa vie qu'il l'a renié? Il avait peur de de mourir à cause de Jésus. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, « Ah, tu es un chrétien, toi? Tu es un disciple de Jésus? » L'apôtre Pierre a dit, « Non, non, non, je ne connais pas. Je, non, non, non, non, non, non, je ne connais pas. » Par trois fois, il dit ça dans quelques heures, là, il dit ça trois fois, « Je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. » Il dit, « Vois-tu, Pierre, il l'a dit, il l'a dit. » Donc, les chrétiens aussi peuvent le régner. Quand on dit qu'un chrétien a régné le Seigneur Jésus, il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire comme Pierre? Quelle est la différence entre Pierre et un chrétien maintenant? Oui. Oui, il s'est repenti, il a pleuré amèrement, la Bible nous dit, hein? Mais quelle est la différence entre Pierre et nous? Il n'y avait pas le Saint-Esprit encore, Pierre. Pierre n'était pas né de nouveau comme on l'entend, nous, aujourd'hui. Pierre était un chrétien, comme dans l'Ancien Testament, on dit. Pierre était un de ceux qui disaient, « Tu ne mourras pas !» Il a sorti son épée. Il dit, « Tu ne vas pas aller mourir, Seigneur !» Puis il a dit une fois, même, j'ai dit, « Je vais aller mourir pour vous autres. » Il a dit, « Ah, Dieu me plaise, ça ne faut pas que ça arrive, cette affaire-là. » Il ne comprenait pas où ce qui s'en allait encore, Pierre. Pierre n'avait pas la compréhension de l'Évangile comme nous, là. Je ne crois pas que Pierre était sauvé de la même manière que nous, on est sauvés maintenant. Je crois que si Pierre sera mort avant Jésus meurt, ça croit que Pierre sera allé au ciel comme un ancien, comme Moïse, comme David. Il croyait en Jésus comme le Messie, mais il ne comprenait pas tout encore. Il n'avait pas reçu cet esprit. Parce qu'un coup qu'il a reçu cet esprit à la Pentecôte, Pierre, il l'a-tu régné après ça? Ça ne veut pas dire que préposition à chaque fois. Mais il est mort peut-être en bois, ce qu'on peut savoir dans l'histoire, à cause de la foi en Jésus. Il a gardé la foi en Jésus jusqu'à la mort. Puis on sait qu'il est mort martyr. Peu importe si on n'est pas sûr, puis de laquelle façon. Quand on parle ici de renier, on parle de rejeter Jésus. On ne parle pas qu'un chrétien a de la misère à prendre position pour le Jésus dans une occasion quelconque. On parle d'un chrétien qui dit, « Je ne veux plus croire. » Je rejette la parole. Ce n'est plus vrai, ça. Ce n'est plus vrai. La Bible, ce n'est plus la parole de Dieu. J'y crois plus. Je ne crois plus en Jésus. Jésus, c'est un extraterrestre, c'est un ici, mais je ne veux plus croire en lui. Ce n'est pas lui qui va me sauver. Je vais me sauver par moi-même. Jésus dit, à cause que tu n'as pas fait ça, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il y a trois façons d'interpréter cette porte-là. Je vous l'ai dit, les trois. Il y a des chrétiens qui croient une des trois. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Je ne vous forcerai pas à croire comme moi. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Cette porte-là, c'est quoi pour vous autres, là? Si vous osez le dire, peut-être que je vais dire le contraire de vous, mais ce n'est pas grave. Soyez audacieux. Soyez... Jésus est la porte. OK? Ça veut dire que ce serait Jésus qui c'est la porte? OK? D'autres choses que vous avez déjà entendues. Une partie de l'Église aujourd'hui, puis à travers l'histoire, cette porte-là, c'est une porte pour évangéliser. Comme l'apôtre Paul. Il dit, une grande porte m'est ouverte. Et là, puis là, je vais aller évangéliser. Dans les Actes des apôtres, à trois ou quatre reprises, on parle de portes. C'est toujours des portes pour évangéliser. Toujours. Des portes pour l'Évangile. Mais ça, c'est dans les Actes des apôtres et dans les Épîtres. Dans l'Apocalypse, il y a une autre porte, et il y a des chrétiens qui disent que cette porte-là, c'est l'accès à Dieu. Ils ont ouvert une porte, et cette porte-là te donne accès à Dieu, donc tu peux venir à Dieu n'importe quand, parler avec Dieu, prier Dieu, demander de la puissance pour Dieu, afin de pouvoir continuer la vie chrétienne. Afin de tenir ferme, j'ai ouvert une porte devant toi et tu as accès à Dieu et personne ne peut la fermer. C'est toujours ouvert pour toi que tu es dans ma présence afin de t'aider à continuer la vie chrétienne, peu importe ce qui arrive. Okay? Il y en a qui disent que c'est ça la porte. Et la troisième, vous savez, vous me connaissez peut-être un peu plus, je mets toujours la dernière, c'est celle que je pense qui est la bonne. une porte pour entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est comme Jésus qui est la porte. Mais dans l'Apocalypse, le mot porte revient à plusieurs reprises et c'est toujours pour entrer dans le ciel. Toujours. La première fois, c'est que l'ange dit à Jean, monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver. Et il ouvre une porte pour qu'il voit ce qui se passe dans le ciel. Et vous avez, à différentes reprises, il y a des portes qui rouvrent. Et la nouvelle Jérusalem est entourée de portes. Et donc, il n'y a rien qui va rentrer dans les portes. Et les portes, c'est toujours pour faire rentrer les chrétiens dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je crois que Jésus est en train de dire ici, parce que tu as gardé la parole et parce que tu n'as pas renié mon nom, je t'ai ouvert une porte qui va t'ouvrir pour toujours pour toi et tu vas rentrer dans ma présence. Mais tu viens, tu vas rentrer dans le ciel avec moi pour l'éternité. Que ce soit dans la nouvelle Jérusalem qu'on parle, que ce soit de la présence de Dieu, mais qu'on meurt tout de suite, peu importe c'est quand, mais il dit, il y a une porte qui est là, qui ne va jamais être fermée parce que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié la foi. Je crois que c'est la question la plus simple, la façon la plus simple d'interpréter le passage. Dieu dit, j'ai ouvert une porte pour toi, à cause que c'est moi qui ai les clés, j'ai ouvert la porte pour toi, et tu vas pouvoir rentrer n'importe quand. Il n'y a personne qui peut t'empêcher, il n'y a personne qui peut la fermer, parce que c'est moi qui ai les clés. Et tant que tu gardes la foi en moi, tant que tu ne me renies pas, la porte est toujours ouverte pour toi, pour toujours. Tu sais, le verset qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je entrerai chez lui et je souperai avec lui et tout ça. Donc, c'est la même porte, là. C'est la porte qui donne accès à Dieu, qui donne accès à la présence de Dieu. Pas pour tirer des forces de Dieu, mais pour entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et ensuite, il dit au verset 9, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Le groupe ethnique qui persécutait l'Église le plus, c'était les juifs à ce moment-là. Il y a beaucoup de juifs qui ont essayé de persécuter l'Église au point de la détruire pour qu'elle ne fonctionne plus. Mais il dit, voici ce que je vais faire à ceux de Satan, à ceux de la synagogue de Satan, à ceux qui sont des juifs, à ce moment-là qu'on parlait. Ou aujourd'hui, on pourrait l'appliquer à toute personne qui a renié la foi, à toute personne qui a rejeté Jésus-Christ, à toute personne qui a rejeté la parole de Dieu. Voici ce que je vais faire. Et je vais les finir un jour, ils vont tous venir se prosterner devant toi et reconnaître que c'est toi qui avais raison. Et c'est toi qui avais la vérité, et c'est toi que j'ai aimé. Il y a un verset qui dit ailleurs dans les épîtres, qui dit, « Et tout genou fléchira devant Dieu. » Tous les genoux, même s'ils ne sont pas chrétiens, tous les genoux vont fléchir et reconnaître que c'est Dieu qui était vrai. Il dit, Jésus est en train de dire, « À cause que tu as gardé mon nom, à cause que tu ne m'as pas renié, un jour, tous ces gens-là qui t'ont fait du mal, qui t'ont persécuté, qui t'ont rejeté, vont venir se mettre à genoux, puis vont reconnaître devant tout le monde que c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Et que moi, je t'ai aimé. Donc, il dit, retiens bien la parole de Dieu. Parce qu'il dit, il y a une bénédiction présente. J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et il y a une autre bénédiction, que j'appelle une bénédiction future. Il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Il y en a qui disent que c'est l'enlèvement de l'Église ici. Il va venir des grands temps de tribulation dans le monde, il va venir des grands temps d'épreuve dans le monde, et Jésus promet à cette Église-là de venir l'enlever avant que les tribulations viennent. Je ne crois pas que c'est une bonne interprétation, personnellement. Ce qu'il est en train de dire, je vais te garder. Il va venir des moments difficiles dans le monde. Je vais te garder. Mais l'Église à laquelle il l'a écrit, qu'est-ce qui est arrivé avec? Ils sont tous morts, puis l'Église n'est pas été enlevée, là. En tout cas, je ne pense pas. On est encore là. Il n'est pas en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Il est en train de parler d'une promesse. Je te garderai. À cause que tu m'as gardé, moi, je vais te garder. Tout ce que Jésus demande à cette Église-là, garde la foi en moi et moi je m'engage à te garder. Dans les moments de tribulation qui vont venir, dans les moments difficiles de la vie qui vont venir, dans les moments, même si on dirait que c'est le temps des tribulations de la fin des temps, dis-moi, je vais te garder. je vais te garder. Je vais te protéger. Il venait juste de lui dire, tu as peu de puissance. Donc, ça ne te demande pas de regarder à nous autres pour avoir de la puissance. Il dit, garde la foi en moi et moi, je m'engage à te garder. Tout ce qu'il nous demande, c'est ça. Garde la foi en moi et moi, je vais te garder. Moi, je vais te protéger. Moi, je vais t'emmener avec moi. Il dit, des moments difficiles qui vont venir sur le monde, puis le grand temps de jugement qui va venir, c'est pas... il parle d'un jugement de destruction. Je crois qu'il parle en grande partie de la fin des temps. Le déluge est un exemple de cela. À cause que Noé a eu la foi en Dieu, Dieu l'a gardé au jour de l'épreuve, au jour de la destruction. Vous avez aussi Lot. À cause que Lot a gardé la foi, Dieu l'a protégé et il n'a pas été détruit. Et Dieu dit à l'Église de Philadelphie, il dit à toute l'Église à travers l'histoire du monde, « Si tu gardes la foi en moi, le jour où je vais détruire le monde, je vais te garder. Je vais te protéger. Tu m'appartiens. Parce que vous savez comme moi que ce monde va être détruit par Dieu. Pas par l'eau, cette fois-là, mais par le feu. Le monde va être détruit. Et tous ceux qui n'ont pas gardé la foi vont être détruits. Mais dis-moi, je vais te garder parce que tu as gardé la foi en moi. » Et une dernière, au verset 11, il dit, « Retiens la foi en moi, afin que personne ne prenne ta couronne. » Si tu prends, si tu ne gardes pas la foi, tu vas perdre ta couronne. Mais si tu gardes la foi, tu vas garder ta couronne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, couronne? Oh, il y a encore beaucoup d'interprétations là-dessus. Il y a beaucoup de sortes de couronnes dans la Bible. Mais ici, tout ce qu'il est en train de dire, la couronne était donnée à celui qui était un vainqueur. Dans l'ensemble de la Bible, un roi qui était pour vaincre son ennemi, quand il était le victorieux, on lui mettait une couronne sur la tête, ou on arrachait la couronne de l'ancien, de celui qui avait été battu, pour le mettre sur la tête de celui qui avait gagné. Ce que Jésus est en train de dire, c'est parce que tu as gardé la foi, parce que tu ne m'as pas renié, il y a une couronne qui t'attend. Une couronne de vie, selon Jacques. Une couronne pour montrer que tu étais victorieux. L'apôtre Paul, il dit, nous ne courons pas pour avoir une couronne corruptible, mais nous gardons la foi pour avoir une couronne incorruptible. Donc, c'est cette couronne-là qui est une image de la victoire, une image qu'on a vaincue, qu'on a gardé la foi. L'apôtre Paul, il dit, j'ai gardé la foi, la couronne m'est réservée. L'apôtre Paul, il dit, j'ai fini de courir ma course. Il se compare à un coureur dans un stade. Il dit, j'ai terminé de courir. Et la couronne m'était donnée parce que j'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Frères et sœurs, l'important, ce n'est pas de savoir ce que tu fais. L'important, c'est de garder la foi. Peu importe ce qui arrive. Jésus dit, garde la foi parce que j'ai une couronne pour toi que je vais te donner. Je vais te donner une couronne. Et il dit, je vais faire de toi, au verset 12, une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous savez, dans les anciens temps, au temps de Jésus, dans les temples grecs, il y avait des grosses colonnes, hein, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines, des fois des centaines de colonnes. Et chaque colonne était souvent la sculpture d'une personne. Et parce qu'il était dans la position, comme on va dire, il était dans la présence des dieux, ou du dieu que le temple représentait. On dessinait la colonne, on la sculptait comme un personnage. Jésus dit, je vais faire ça avec vous autres. Il prend une image que tout le monde connaît dans ce temps-là. Il dit, je vais faire de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu vas vivre avec moi dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai comparé dans ma vie, en tant qu'étudiant de la Bible, j'ai comparé beaucoup de religions dans le monde. Et souvent, je dis aux gens qui me demandent pourquoi je suis chrétien, je leur dis, c'est parce que c'est la plus facile. Hein? C'est la plus facile? Oui, c'est la plus facile. Les autres, ils nous demandent un paquet d'affaires qu'on ne peut pas faire, qu'on a de la misère à faire ou qu'on ne réussit jamais à faire. Et Jésus, tout ce qu'il me demande, c'est d'avoir la foi en lui. Donc, je prends la plus facile. Je prends la plus facile. J'ai quitté la religion dans laquelle je suis né parce que je n'arrivais pas à faire ce qu'ils me demandaient. Et je regardais que ceux qui me disaient quoi faire ne faisaient même pas ce qu'ils me disaient quoi faire. Ils n'arrivaient pas à le faire, les autres, non plus. C'est l'exemple que Jésus a dit des pharisiens. Vous mettez sur les gens des gros fardeaux que vous n'êtes même pas capable de faire vous-même. Et souvent, les gens qui me disent dans les religions, « François, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu veux que Dieu t'accepte, il faut que tu fasses ça. » Et je leur dis, « Tu le fais-tu, toi? » J'essaye. Mais essayer, c'est parce que tu ne le fais pas. Si tu essaies, c'est parce que tu ne réussis pas. Quelqu'un qui essaye, c'est parce qu'il avoue que je ne suis pas capable. Donc, tu ne fais même pas toi-même ce que tu dis de faire. Tout ce que Jésus me dit de faire, fais confiance à ce que j'ai fait pour toi. Garde ce que je t'ai dit, que j'étais mort pour te sauver. C'est tout ce que je te demande. Reste attaché à moi. Et moi, je te garderai. Puis tu vas rentrer par la porte dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et je vais te donner ta couronne de vie. Et tu vas être une colonne dans la maison de mon Dieu. Et tu vas être avec moi pour toujours. Cette semaine, il y a eu quelqu'un chez nous qui m'a donné un petit feuillet à lire. Et il montrait les nouveaux cieux, nouvelle terre. Les beaux paradis, tout était beau, les gens, un monsieur était avec un lion, petits enfants, tu sais, tout ce qui est part dans le livre d'Isaïe, et un beau paradis sur terre. Et j'ai dit à la personne, je suis impressionné, vous savez, parce que Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas dans l'image, je dis, qui est Jésus? Il dit, si Jésus n'est pas là, je ne veux pas être là. Je ne veux pas être dans ce paradis-là, ça ne m'intéresse pas d'aller dans le paradis. Ça m'intéresse d'aller avec Jésus. Encourageons-nous mutuellement à retenir ce que nous avons reçu de Dieu, à retenir la foi qui nous a été transmise par les Écritures. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu nous dise, garde la foi, reste attaché à moi. Et si vous voyez des frères ou des sœurs qui ont de la difficulté dans certains domaines, qui sont en train de vouloir abandonner, vous pensez, la foi, ne parlez pas des autres en mal, ne les critiquez pas, ne chiolez pas, ça ne donne absolument rien. Allez plutôt les encourager à garder la foi. Garde la foi. Parce que l'apôtre Pierre a dit, si on t'abandonne, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents de ce que tu nous soulages ce matin. Tu nous libères des fardeaux que les êtres humains peuvent mettre sur nous. Tu nous libères des religions qui mettent des fardeaux sur les hommes et les femmes qui ne peuvent pas tasser du petit doigt eux-mêmes. Tout ce que tu nous demandes ce matin, garde la foi en moi. Retiens la vérité. Et que la promesse, elle est ferme. Elle a été donnée par le Saint, par le véritable. Je t'ouvrirai la porte. Je te donnerai une couronne. Je vais faire de toi une colonne. Ô Seigneur, que tu es un grand Dieu, que tu es bon pour nous. Merci Seigneur Jésus, que ta mort à la croix nous donne accès, maintenant et pour toujours, dans la présence de Dieu. Et c'est au nom de notre bien-aimé Sauveur que nous te prions. Amen. Amen. Levons-nous et chantons un dernier cantique, si vous voulez bien. Le texte dit, oui, tu es digne. Et je crois que, avec ce qu'on vient de voir ce matin, certainement qu'il est digne de tout cela. Ce ne sera pas long, le pianiste n'est pas encore rendu. souhaite une bonne semaine à chacun. Que le Seigneur vous garde. Donc, on va manger ici. Qui reste à manger? Vous autres, vous en allez, je pense, vous m'avez dit. Les autres, les restituants, donneurs, non. Parce qu'on n'est pas beaucoup, on va manger au bord dans la petite salle là-bas. On n'a pas besoin de déplacer la salle pour le film après-midi. OK? Donc, si vous voulez donner un coup de main à Denise pour préparer cela, vous pouvez aller.